Chapitre 2e, le premier client est le dante Florentin. Il a été expliqué auparavant comment Albert Stanley, contre son propre intérêt, prit en charge le mont de piété et les biens de Jacob Dix pendant l'absence de l'héritier légitime. Elle avait le contrôle total de tout, selon les termes du testament. Jacob avait fait beaucoup de bonnes affaires dans sa vie, mais aucune meilleure que celle que lui avait apportée Agar en se proposant comme esclave. Agar, avec son sens strict du devoir, sa nature droite et sa détermination à agir honnêtement, même lorsque ses propres intérêts étaient en jeu. Un tel caractère était presque inconnu parmi les habitants de Cabez Crescent. Bark, l'avocat, la prit pour une idiote. Premièrement, parce qu'elle refusait de se faire un pécule avec la succession. Deuxièmement, parce qu'elle avait renoncé à une belle fortune au profit d'un homme qu'elle détestait. Troisièmement, parce qu'elle refusait de devenir Madame Bark. Pour le reste, elle était assez perspicace, trop perspicace, pensait l'avocat, car avec son sens aigu des affaires et sa faculté d'organiser, d'administrer, de comprendre, il était impossible de la tromper de quelque manière que ce soit. Sur la succession des Dix, Bark reçut les honoraires qui lui étaient dus et rien de plus, ce qui était humiliant pour un homme de son intelligence. Agar, cependant, ne s'occupait ni de Bark, ni de personne d'autre. Elle avait fait de la publicité pour l'héritier disparu, elle avait administré la succession et s'était occupée des affaires du prêteur sur gage, vivant entre-temps dans l'arrière-boutique à la manière misérable de son défunt maître. Elle avait été choquée d'apprendre que l'héritier du vieux prêteur sur gage n'était autre que Goliath, le prétendant roux, qui l'avait forcé à quitter le camp des Tziganes. Pourtant, son honnêteté ne lui permettait pas de lui voler son héritage. Il s'occupait de ses intérêts comme s'il s'agissait de ceux de l'homme qu'elle aimait le plus au monde. Lorsque Jimmy Dix, alias Goliath, se présenterait pour réclamer la propriété, Agar avait l'intention de tout lui céder et de quitter la boutique aussi pauvre qu'elle y était entrée. Pendant ce temps, alors que les mois passaient et que l'héritier n'apparaissait pas, Agar s'occupait de la boutique, faisait des affaires et négociait. Elle devint également l'héroïne de plusieurs aventures, dont les suivantes. Au crépuscule de juin, elle fut appelée à la boutique par un coup sec, et en entrant, elle trouva un jeune homme qui attendait de mettre en gage un livre qu'il tenait à la main. Il était grand, mince, aux cheveux clairs et aux yeux bleus, avec un visage intelligent et intellectuel, éclairé par des yeux ronds et rêveurs. Rapide à lire les physionomies, Agar aima son apparence au premier coup d'œil, et de plus, admira sa bonne mine. « Je souhaite obtenir de l'argent sur ce livre, » dit l'étranger d'une manière hésitante, une rougeur envahissant son teint clair. « Pourriez-vous, c'est-à-dire, voulez-vous ?» Il s'arrêta, confus, et tendit le livre qu'Agar prit en silence. Il s'agissait d'un livre ancien et coûteux, dont un bibliomane se serait réjoui. Il datait du XIVe siècle. L'imprimeur était un célèbre éditeur florentin de l'époque, et l'auteur n'était autre qu'un certain Dante Alighieri, poète dont la renommée n'est plus à faire. Bref, il s'agissait d'une deuxième édition de la Divina Commedia, extrêmement rare et d'une grande valeur. Agar, qui avait appris beaucoup de choses sous la direction avisée de Jacob, reconnut tout de suite la valeur du livre, mais avec un instinct commercial très vif, et malgré ses préventions à l'égard du jeune homme, elle commença promptement à le dénigrer. « Je n'aime pas les vieux bouquins, » dit-elle en lui rendant l'objet. « Pourquoi ne pas l'apporter à un vendeur de livres d'occasion ?»« Parce que je ne veux pas m'en séparer. En ce moment, j'ai besoin d'argent, comme vous pouvez le voir en mon apparence. Laissez-moi 5 livres sur le livre jusqu'à ce que je puisse le racheter. » Agar, qui avait déjà remarqué les regards de ce client et la qualité défraîchie de ses vêtements, posa le dante avec fracas. « Je ne peux pas donner 5 livres, » dit-elle sans embâge. « Le bouquin ne vaut pas la peine. » Cela montre à quel point vous n'y connaissez rien en la matière, ma petite. C'est une édition rare d'un célèbre poète italien, et elle vaut plus de 100 livres. Vraiment, dit Agar sèchement. Dans ce cas, pourquoi ne pas le vendre? Parce que je ne veux pas m'en débarrasser. Donnez-moi 5 livres. Non, 4, c'est tout ce que je peux avancer. 4,5, demanda le client. 4, rétorqua l'inexorable Agar. Ou alors, elle poussa le livre vers lui d'un doigt. Voyant qu'il ne pouvait rien obtenir de plus, le jeune homme soupira et céda. « Donnez-moi les 4 livres, » dit-il d'un air sombre. « J'aurais dû penser qu'une juive négocierait âprement. »« Je ne suis pas juive, mais tzigane, » répondit Agar en montrant le reçu. « Une tzigane, » dit l'autre, en la regardant en face. et qu'est-ce qu'une Romanichelle fait dans ce tabernacle lévitique ?»« C'est mon affaire, » rétorqua sèchement Agar. « Nom et adresse ?»« Eustache Lorne, 4 Castle Road, » dit le jeune homme en donnant une adresse proche. « Et si vous êtes une vraie Romanichelle, vous devez parler le calot. »« Seulement avec mes semblables, jeune homme, pas avec les païens. » « Mais je suis un Romanirail. »« Je ne suis pas une imbécile, jeune homme. Les Roms ne vivent pas dans les villes par choix. »« Les Tziganes ne vivent pas non plus dans les boutiques des prêteurs sur gage, ma petite. »« 4 livres, » dit Agar, sans tenir compte de cette remarque. « Les voilà, en or. »« Votre reçu aussi, numéro 820. Vous pouvez racheter les livres quand vous voulez, en payant 6% d'intérêt. Bonne nuit. »« Mais... » s'écria Lorne, en glissant dans sa poche l'argent et le reçu. « Je veux vous parler. Bonne nuit, monsieur !» dit Agar d'un ton brusque. Il disparut dans l'obscurité de la boutique. Lorne fut contrarié par ses manières brusques et son renvoi soudain, mais comme il n'y avait pas d'autre solution, il sortit dans la rue. Sa première pensée fut « Quelle belle fille !» et sa seconde « Quel feu follet !» Après son départ, Agar rangea le dente et, comme il était tard, ferma la boutique. Puis elle se retira dans l'arrière-boutique pour manger son dîner, du pain sec et du fromage avec de l'eau froide, et pour réfléchir au jeune homme. En règle générale, Agar était bien trop sûre d'elle pour être impressionnable. Mais il y avait quelque chose chez Eustache Lorne, elle connaissait le nom, qui l'attirait beaucoup. De cette courte entrevue, elle n'avait pas appris grand-chose sur sa personnalité. Il était pauvre, orgueilleux, plutôt distrait, et en jugé par le fait qu'il lui avait cédé sur la question du prix, plutôt faible de caractère. Pourtant, elle aimait son visage, l'expression bienveillante de ses yeux et la douceur de sa bouche. Mais après tout, ce n'était qu'un client fortuit, et à moins qu'il ne revienne pour acheter le dante, elle ne le reverrait peut-être plus. À cette pensée, Agar fit appel à son bon sens et s'efforça de chasser l'image du jeune homme de son esprit. La tâche fut plus difficile qu'elle ne le pensait. Une semaine plus tard, Lorne et sa mise en gage du livre lui furent rappelés par un inconnu qui entra dans la boutique peu après midi. Cet homme était petit, corpulent, âgé et vulgaire. Il était très excité et parlait mal, comme Agar le remarqua lorsqu'il déposa sur le comptoir un reçu de gage numéroté 820. « Toi, la fille, » dit-il d'un ton rude, « donne-moi le livre correspondant à ce reçu. »« Vous venez de la part de M. Lorne ?» demanda Agar, se souvenant du dante. « Oui, il veut ce livre. Voilà l'argent. Vite, maintenant, jeune fille !» Agar ne fit aucun geste pour aller chercher le volume, ni même pour prendre l'argent. Au lieu de cela, elle posa une question. « Monsieur Lorne est-il malade au point de ne pas pouvoir venir lui-même » demanda-t-elle, en regardant attentivement le visage grossier de l'homme. « Non, mais je lui ai acheté le reçu de gage. Allez, donne-moi le livre. » « Je ne peux pas pour l'instant, » répondit Agar, qui ne se fiait pas à l'allure de cet homme et qui souhaitait en outre revoir Eustache. « Change de ton, pourquoi non ?» « Parce que vous n'avez pas mis le dante en gage, et comme c'est un livre de valeur, je pourrais avoir des ennuis si je le remettais entre d'autres mains que celles de M. Lorne. »« Eh bien, j'ai de la chance, voilà le reçu. »« Je vois. Mais comment puis-je savoir comment vous en êtes devenu propriétaire ?»« Lorne me l'a donné, » dit l'homme d'un air boudeur, « et je veux le dante. »« J'en suis désolé, » répliqua Agar, certaine qu'il y avait un problème, « car personne d'autre que M. Lorne ne l'obtiendra. S'il n'est pas malade, qu'il vienne le chercher. » L'homme jura et perdit complètement son sang-froid, ce qui ne troubla pas Agar le moins du monde. « Vous feriez mieux de partir, » dit-elle froidement. « J'ai dit que vous n'auriez pas le livre, la question est donc close. Je vais appeler la police. Il y a un poste, à 5 minutes à pied d'ici. » Déconcerté par son sang-froid, l'homme arracha le reçu de gage et sortit de la boutique furieux. Agar prit le dante, l'examina attentivement et réfléchit à la situation. Il était évident que quelque chose n'allait pas, et que Stacha avait des ennuis. Sinon, pourquoi aurait-il envoyé un étranger pour acheter le livre auquel il attachait tant d'importance? Dans un cas ordinaire, Agar aurait pu prendre le reçu et l'argent sans aucun scrupule, tant qu'elle agissait correctement d'un point de vue légal. Mais Eustache Lorne l'intéressait étrangement. Pourquoi? Elle ne pouvait le deviner. Il était soucieux de protéger ses intérêts. De plus, l'émissaire avait un visage peu digne de confiance et semblait être un homme capable, sinon de crime, du moins de trahison. La façon dont il avait obtenu le reçu ne pouvait être expliquée que par son propriétaire. Aussi, après quelques réflexions, Agar envoya un message à Lorne. L'essentiel était qu'il vienne au Mont-de-Piété après l'heure de fermeture. Toute la soirée, Agar attendit anxieusement son visiteur et, Telle est l'incohérence des servantes, elle se fâcha contre elle-même pour cette anxiété. Elle essayait de penser que c'était la simple curiosité de connaître la vérité qui la rendait impatiente de voir arriver Lorne, mais au fond de son cœur se cachait la vraie raison. Ce n'était pas tant de la curiosité qu'un désir de revoir le visage du jeune homme, de l'entendre parler et de sentir qu'il était à ses côtés. Bien qu'elle n'ait pas eu de chaperon, bien qu'elle n'ait pas été élevée sous l'autorité de ses parents, Agar avait son propre code social et un code strict. En l'occurrence, elle estimait que son attitude mentale n'était pas digne d'une jeune fille célibataire. Aussi, lorsque Stash fit son apparition à 9 heures, elle se montra brusque, à la limite de l'impolitesse. « Qui est l'homme que vous avez envoyé chercher votre livre ?» demanda-t-elle brutalement lorsque Lorne fut assis dans le salon. « Jabez Triddle. Je ne pouvais pas venir moi-même, alors je l'ai envoyé avec le reçu. Pourquoi ne lui avez-vous pas donné le Dante ? Parce que je n'aime pas son visage et que je pensais qu'il avait pu vous voler le reçu. » En outre, je... » Ici, Agar hésita, car elle ne tenait pas à admettre que sa véritable raison avait été le désir de le revoir. « En outre, je ne pense pas qu'il soit votre ami, » termina-t-elle sans conviction. « Il ne l'est effectivement pas, » répondit Lorne, haussant les épaules. « Je n'ai pas d'amis. »« C'est dommage, » dit Agar, en jetant un regard interrogateur sur son visage insolent. « Je pense que vous avez besoin d'amis, ou en tout cas d'un ami fidèle. » « Peut-être que ce fidèle ami est de votre sexe, » dit Lorne, plutôt surpris de l'intérêt que cette étrange fille portait à son bien-être, vous-même, par exemple. « Si c'était le cas, je vous donnerai un conseil, monsieur Lorne. Lequel ? Ne faites pas confiance à l'individu que vous avez envoyé ici, monsieur Treadle. Voici votre Dante, jeune homme. Payez-moi votre dû et emportez-le. Je ne peux pas vous donner l'argent, car je n'en ai pas. Je suis aussi pauvre que Job, mais je ne suis pas aussi patient. » « Mais vous avez donné l'argent à ce Treadle ?»« Certes non, » expliqua franchement Eustache. « Je lui ai donné le reçu, et il a voulu racheter le livre avec ses propres deniers. »« Vraiment ?» dit Agar d'un ton pensif. « Il n'a pas l'air d'un étudiant, comme vous. Pourquoi voulait-il ce livre ?»« Pour découvrir un secret. »« Un secret, jeune homme, contenu dans le Dante. »« Oui, il y a un secret dans le livre qui peut rapporter beaucoup d'argent. »« À vous ou à monsieur Treadle ?» demanda Agar. Eustache haussa les épaules. « À celui de nous deux qui découvrira le secret, » dit-il négligemment. « Mais en effet, je ne pense pas qu'il soit jamais découvert, en tout cas par moi. Treadle aura peut-être plus de chance. »« Si la ruse peut apporter la fortune, votre homme réussira, » dit Agar calmement. « C'est un ami dangereux pour vous, ce Treadle. Il y a manifestement une histoire au sujet de votre Dante qu'il connaît et qu'il souhaite tourner à son avantage. Si cette histoire vous rapporte de l'argent, racontez-la-moi. » Et je pourrais peut-être vous aider à obtenir cette richesse. Je ne suis qu'une jeune fille, c'est vrai, monsieur Lorne, mais j'ai déjà beaucoup d'expérience, et je peux réussir là où vous échouez. » « J'en doute, » répondit Lorne d'un air sombre, « mais c'est gentil à vous de vous intéresser à un étranger. Je vous suis très reconnaissant, mademoiselle. Appelez-moi Agar, » interrompit-elle précipitamment. « Je n'ai pas l'habitude des beaux titres. » « Alors, Agar, » dit-il avec un regard bienveillant, « je vais vous raconter l'histoire de mon oncle Ben et de son étrange testament. » Agar sourit en elle-même. Cela semble être son destin, d'avoir affaire à des testaments. D'abord celui de Jacob, puis celui de l'oncle Lorne. Cependant, elle savait qu'en tenir sa langue. Et ne disant rien, elle attendit que Stash s'explique, ce qu'il fit immédiatement. « Mon oncle, Benjamin Gurt, est mort il y a 6 mois, à l'âge de 58 ans, » dit-il lentement. « Il y a 10 ans, il est revenu au pays avec une fortune des Antilles. « Combien ?» demanda Agar, toujours intéressé par les questions financières. Personne n'a jamais su le montant de sa fortune, car c'était un vieux grincheux qui ne se confia à personne. Il acheta une petite maison et un jardin à Woking, et y vécut pendant les 10 ans qu'il passa en Angleterre. Son grand luxe était les livres, et comme il connaissait plusieurs langues, l'italien entre autres, il rassembla une véritable bibliothèque polyglotte. Où est-elle maintenant ? Elle a été vendue après sa mort, en même temps que la maison et le terrain. Un homme de la ville a réclamé de l'argent et l'a obtenu. Un créancier. Et la fortune ? Je vous le dis, Agar, si vous voulez bien m'écouter, dit Eustache avec impatience. Eh bien, l'oncle Ben, comme je l'ai dit, était un avare. Il amassait tout son argent et le gardait à la maison, ne se fiant ni aux banques ni aux investissements. Ma mère était sa sœur et elle était très pauvre, mais il ne lui a jamais donné un sou, et moi rien d'autre que le Dante qu'il m'a offert dans un inhabituel accès de générosité. Mais, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, remarqua Agar avec perspicacité, Il m'a semblé qu'il avait un motif pour vous donner le Dant. Sans doute, acquiesça Eustache, admiratif de sa vivacité, le secret de l'endroit où est caché son argent est contenu dans ce Dant. Alors vous pouvez être sûr, monsieur Lorne, qu'il avait l'intention de faire de vous son héritier. Mais qu'est-ce que votre ami Traddle a à voir avec cette affaire? Oh, Traddle est épicier à Woking, répondit Lorne. Il est avide d'argent. Et sachant que l'oncle Ben était riche, il a essayé d'obtenir la fortune qui lui restait. Il a trompé et flatté le vieil homme. Il lui a fait des cadeaux. Il a toujours essayé de le monter contre moi qui suis son seul parent. N'ai-je pas dit que cet homme était votre ennemi? Eh bien, continuez. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Hagard, l'oncle Ben a caché son argent et a laissé un testament qui le donnait à la personne qui découvrirait où il était caché. Le testament disait que le secret était contenu dans le Dant. Vous pouvez être sûr que Traddle est venu me voir immédiatement et a demandé à voir le livre. Je le lui ai montré, mais ni lui ni moi n'avons pu trouver dans ses pages le moindre signe susceptible de nous conduire à la découverte du trésor caché. L'autre jour, Traddle est revenu voir le Dant. Je lui ai dit que je l'avais mis en gage. Il s'est proposé de le récupérer si je lui donnais le reçu. C'est ce que j'ai fait, et il a fait appel à vous. Vous connaissez le résultat. Oui, j'ai refusé de lui donner, dit Hagard, et je vois maintenant que j'ai eu raison de le faire, car cet homme est votre ennemi. Eh bien, monsieur Lorne, il semble, d'après votre histoire, qu'une fortune vous attend, si vous savez la trouver. C'est vrai, mais je ne la trouve pas. Il n'y a pas un seul signe dans le Dant qui me permet de découvrir sa cachette. Vous connaissez l'italien? Très bien, l'oncle Ben me l'a appris. C'est un point de gagner, dit Hagard, en posant le Dant sur la table et en allumant une autre bougie. Le secret peut être contenu dans le poème lui-même, mais nous verrons bien. Y a-t-il une marque dans le livre, une marque singulière, je veux dire? Pas une seule. Regardez par vous-même. Les deux jeunes têtes, l'une si blonde, l'autre si sombre, étaient penchées sur le livre dans cette atmosphère lugubre et ténébreuse. Eustache, le plus faible des deux, cédait en tout à Hagard. Et tourna page après page la vieille édition florentine, mais aucune marque de crayon ou de plume n'entacha sa surface blanche et pure du début à la fin. De l'Inferno à Il Paradiso, aucun indice ne trahissait le secret de l'argent caché. À la dernière page, Eustache, avec un soupir, se renversa dans son fauteuil. « Vous voyez, Hagard, il n'y a rien. Qu'est-ce qui vous fait froncer les sourcils ?»« Je ne fronce pas les sourcils, mais je réfléchis, jeune homme, » répondit-elle. « Si le secret est dans le livre, il doit y avoir des traces. » Rien n'apparaît pour l'instant, mais plus tard. Eh bien, dit Eustache avec impatience, plus tard. De l'encre invisible. De l'encre invisible, répéta-t-il vaguement. Je ne comprends pas très bien. Mon défunt maître, dit Hagard sans émotion, avait l'habitude de traiter avec des voleurs, des voyous et des vagabonds. Naturellement, il avait beaucoup de secrets et parfois, par la force des choses, il devait confier ses secrets à la poste. Naturellement aussi, il ne voulait pas risquer d'être découvert, et c'est pourquoi, lorsqu'il envoyait une lettre, par exemple au sujet d'un objet volé, il l'écrivait toujours avec du jus de citron. Avec du jus de citron. Et qu'est-ce que ça donne? C'était bon pour écrire sans que l'on ne voie rien. Lorsque la lettre était rédigée, elle ressemblait à une page blanche. Personne, vous comprenez, ne pouvait lire ce qui était écrit, car pour l'œil ordinaire, il n'y avait rien. Et pour l'œil cultivé? Demanda Eustache d'un ton ironique. C'était la même chose, une feuille blanche, rétorqua Hagard. Mais c'est alors que l'esprit cultivé est entré en jeu, jeune homme. La personne à qui la lettre a été envoyée a réchauffé la page apparemment blanche sur le feu, et aussitôt l'écriture est apparue, noire et lisible. Diable ! Eustache s'était levé d'un bond, excédé. Et vous pensez ? Je pense que votre défunt oncle a peut-être adopté le même plan. Interrompit froidement Hagard. Mais je n'en suis pas sûr, nous verrons bien. Elle tourna une ou deux pages du Dant. Il est impossible de les chauffer sur le feu, ajouta-t-elle, car le livre est précieux et nous ne devons pas l'abîmer. Mais je connais un moyen. Avec un sourire confiant, elle quitta la pièce et revint avec un fer à repasser qu'elle plaça sur le feu. Pendant qu'il chauffait, Eustache regardait cette femme à l'esprit vif avec admiration. Elle n'avait pas seulement de l'intelligence, mais aussi de la beauté. Et en tant qu'homme, il était attiré par cette dernière à un degré non négligeable. Il commença bientôt à penser que cette amitié étrange et inattendue entre lui et la belle cigane usurière pourrait se transformer en quelque chose de plus fort et de plus chaleureux. Mais il soupira. Tous deux étaient pauvres. Il sera donc impossible de... Nous ne commencerons pas par le début du livre, dit Hagard en retirant le fer du feu, interrompant ainsi ses pensées, mais par la fin. Pourquoi? demanda Eustache, qui ne voyait aucune raison valable à cette décision. Eh bien, dit Agar, en posant le fer chauffé sur le livre, quand je cherche un article, je le trouve toujours au fond d'un tas de choses dont je ne veux pas. Comme nous avons commencé par la première page de ce livre, et que nous n'avons rien trouvé, commençons cette fois par la fin. Et peut-être découvrirons-nous plutôt le secret de votre oncle. Ce n'est qu'un caprice, mais je voudrais le satisfaire par une expérience. Eustache acquiesça en riant, tandis que Agar plaçait une feuille de papier brun sur la dernière page du Dante pour éviter que le livre ne soit brûlé. Au bout d'une minute, elle souleva le fer et le papier, mais la page ne portait toujours pas de marque. D'un air joyeux, la jeune fille secoua la tête et répéta l'occasion sur la deuxième page à partir de la fin. Cette fois, lorsqu'elle retira le papier brun, Eustache, qui avait observé ses gestes avec beaucoup d'intérêt, se pencha en avant en poussant une exclamation de surprise. Agar y fait écho avec plaisir, car il y avait une marque et une date sur la page, au milieu, comme suit. « Oh, abbondante grazia, onde presumi, ficar lo viso per la lucca eterna, tanto che la vetuta vi consumi. » 27, 12, 38. « Voilà, monsieur Lorne, » s'écria Agar avec joie. « Voilà le secret. J'avais raison de vouloir commencer par la fin. J'avais raison aussi pour l'encre invisible. « Vous êtes prodigieuse, » dit Eustache, avec une admiration sincère. « Mais je suis toujours aussi perplexe. Je vois une ligne marquée et une date, le 27 décembre de l'année, je suppose 1838, cela n'a aucun sens. Ne soyez pas trop pressé, dit Agar d'un ton apaisant. Nous avons appris tant de choses que nous pouvons en apprendre davantage. Tout d'abord, traduisez ces trois lignes, s'il vous plaît. En gros, dit Eustache en les lisant, elle se présente ainsi. Ô grâce abondante, avec laquelle j'ai tant essayé de regarder à travers la lumière éternelle que j'en ai perdu la vue. Il haussa les épaules. Je ne vois pas en quoi cette transcription peut nous aider. Et la date ? 1838, dit Lorne d'un air pensif. Et on est en 96. Si l'on retranche l'un de l'autre, on obtient 58 ans. L'âge auquel, comme je vous l'ai dit déjà, mon oncle est mort. Il est évident que c'est la date de sa naissance. Une date de naissance, une ligne de Dante, murmura Agar. Je dois dire qu'il est difficile d'y voir clair. Pourtant, en chiffres et en lettres, je suis sûr que l'endroit où l'argent est caché est indiqué. Eh bien, remarqua Eustache, abandonnant la solution de ce problème en désespoir de cause, si vous pouvez résoudre l'énigme, c'est plus ce que je ne peux faire. Patience, patience, répondit Agar, hochant la tête. Tôt ou tard, nous en découvrirons le sens. Pourriez-vous m'emmener voir la maison de votre oncle à Woking ? Oh oui, elle n'a pas encore été louée. Nous pouvons donc facilement la passer en revue. Mais cela ne vous ennuiera-t-il pas de faire tout ce chemin avec moi ? Certainement pas. Je suis impatient de connaître la signification de cette ligne et de cette date. Il y a peut-être quelque chose dans la maison de votre oncle qui pourrait apporter un indice sur le sens à leur donner. Je garderai le Dante et je réfléchirai à l'énigme. Vous pouvez m'appeler dimanche, quand le magasin sera fermé, et nous irons ensemble à Woking. Oh, Agar, comment puis-je vous remercier ? Vous me remercierez quand vous aurez l'argent et que vous serez débarrassé de M. Treadle, dit Agar en lui coupant la parole. D'ailleurs, je ne fais cela que pour satisfaire ma propre curiosité. Vous êtes un ange. Et vous, un imbécile qui dit des sottises, dit Agar brusquement. Voici votre chapeau et votre canne. Sortez par là, par l'arrière. J'ai déjà une assez mauvaise réputation, sans vouloir un nouveau scandale. Bonne nuit. Mais puis-je dire rien du tout, rétorqua Agar en le poussant vers la porte. « Bonne nuit !» La porte s'ouvrit brusquement et Lorne sortit dans la chaude nuit de juillet, le cœur battant, le sang enflammé. Il n'avait vu cette fille que deux fois, et pourtant, avec la témérité inconsidérée de la jeunesse, il était déjà amoureux d'elle. La beauté, la gentillesse et l'esprit brillant d'Agar l'attiraient fortement, et elle lui avait témoigné une telle faveur qu'il était certain qu'elle l'aimait en retour. Mais une fille sortit d'un monde de piété. Il n'avait ni naissance ni argent, et pourtant il ne voulait refuser de s'accoupler avec une telle fille. Certes, sa mère était morte et il était seul au monde, seul et pauvre. Mais s'il retrouvait la fortune de son oncle, il sera assez riche pour se marier. Agar, si elle l'aidait à trouver l'argent pour espérer une récompense sous la forme d'un mariage. Il était si belle, si intelligente. Lorsqu'il arriva à son pauvre logis, Eustache s'était ôté tout scrupule de la tête et avait décidé de déposer la tzigane dès que le trésor perdu entrerait en sa possession. Il ne pouvait la remercier autrement de l'intérêt qu'elle lui portait. Cette décision pouvait sembler hâtive, mais le sang des jeunes s'échauffe vite. Les jeunes cœurs sont vite remplis d'amour. La jeunesse et la beauté réunies sont comme le silex et l'amadou pour allumer les liens de l'hymen. Ponctuel, Eustache, aussi élégant qu'il pouvait l'être avec les pauvres moyens dont il disposait, se présenta l'heure dite à la porte du Mont-de-Piété. Agar l'attendait déjà, le dent à la main. Elle portait une robe noire, un manteau noir et un chapeau de la même teinte sombre, les vêtements de deuil qu'elle avait portés et qu'elle portait encore pour Jacob. Bien qu'elle ne veuille pas utiliser l'argent de Goliath, elle pensait qu'il ne lui refuserait pas cette dépense pour son père. De plus, en tant que gérant de la boutique, elle méritait un certain salaire. « Pourquoi prenez-vous le Dante ?» demanda Eustache lorsqu'ils partirent pour la gare de Waterloo. « Il peut être utile de lire l'énigme, » dit Agar. « Avez-vous résolu le problème ?»« Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, » dit-elle d'un air méditatif. « J'ai essayé de compter les lignes de cette page de haut en bas, vous comprenez ? 27, 12, 38, mais les lignes correspondantes ne m'ont donné aucun indice. Vous ne les avez pas compris ?»« Si, si, » répondit Agar froidement. « J'ai obtenu un exemplaire d'occasion d'une traduction chez le vieux libraire de Carbis Crescent, et en comptant les lignes pour les faire correspondre à celles de l'édition florentine, j'ai obtenu l'essence des phrases. Et aucune d'entre elles n'indique la solution du problème, pas une seule. J'ai ensuite essayé par page. J'ai compté 27 pages, mais n'ai trouvé aucun indice. J'ai compté 12 pages. J'en ai compté 38, toujours le même résultat. J'ai ensuite compté la 12e, la 27e et la 38e page, mais je n'ai rien trouvé. L'énigme est difficile à décrypter. « Impossible, dirais-je, » fit Eustache, désespéré. « Non, je crois que j'ai fini par en trouver le sens. Comment »« Comment ? Comment ? Dites-moi vite. Pas maintenant. » J'ai trouvé un mot, mais il semble absurde, car il ne se trouve pas dans le dictionnaire italien que j'ai emprunté. Quel est le mot ? Je vous le dirai quand j'aurai vu la maison. » En vain, Eustache essaya-t-il de la faire revenir sur sa décision. Agar était têtue et déterminée. Elle refusa donc simplement de s'expliquer jusqu'à ce qu'elle arrive à Woking, dans la maison de l'oncle Ben. Faible lui-même, Eustache ne comprenait pas comment elle avait pu résister si longtemps à ses imprécations. Finalement, il en conclut qu'elle ne se souciait pas de lui. En cela, il se trompait. Agar l'aimait, mais estimait qu'il était de son devoir de lui apprendre la patience, qualité qui lui faisait cruellement défaut, d'où sa bouche close. Lorsqu'ils arrivèrent à Woking, Eustache prit la direction de la maison de son défunt oncle, qui se trouvait là à une certaine distance de la ville. Il s'adressa à Agar, après un long silence, alors qu'ils traversaient un terrain vague et qu'ils apercevaient le cottage au loin. « Si vous trouvez cet argent pour moi, » dit-il brusquement, « quel service dois-je vous rendre en retour ?»« J'y ai pensé, » répondit Agar promptement. « Trouvez Goliath, sinon James Dix. »« Qui est-ce ? » demanda Lorne en rougissant. « Quelqu'un que vous aimez bien ?»« C'est le fils de mon défunt maître et héritier du Mont-de-Piété. Je ne m'en occupe que parce qu'il est absent. Et le jour où il reviendra, je quitterai les lieux et je ne jetterai plus jamais les yeux sur cette affaire ni sur lui. Pourquoi ne pas faire de la publicité ?»« Je l'ai fait pendant des mois, ainsi que Bark, l'avocat. Mais Jimmy Dix ne répond jamais. Il était avec ma tribu dans le New Forest et c'est parce que je le détestais que j'ai quitté les Roms. « Depuis, il est parti et je ne sais pas où il est. Trouvez-le si vous voulez me remercier et permettez-moi de m'éloigner du Mont-de-Piété. »« Très bien, » répondit Eustache calmement. « Je vais le retrouver. En attendant, voici l'ermitage de mon défunt oncle. » C'était une maison démodée, petite et miteuse, située à l'extrémité d'un carré de terre clôturé donnant sur la lande aride. Dans les quadrilatères, il y avait des arbres fruitiers, cerisiers, pommiers, pruniers et poiriers, ainsi qu'un grand figuier au centre de la pelouse non tondue qui faisait face à la maison. Tout était désolé et négligé. Les arbres n'étaient pas taillés, l'herbe poussait dans les allées, et les fleurs s'égaraient çà et là, riches masses de couleurs ébouriffées. Désolant, certes, cet ermitage désert, mais pas solitaire, car au moment où Agar et son compagnon franchissaient la petite porte, une silhouette se levait de sous un pommier. C'était celle d'un homme, une bêche à la main, qui creusait depuis un certain temps, comme en témoignait le tas de terre fraîchement retourné à ses pieds. « Monsieur Traddle !» s'écria Lorne indigné. « Que faites-vous ici ?»« Je cherche l'argent du vieux !» rétorqua Monsieur Traddle, avec une grimace dirigée à la fois vers le jeune homme et vers Agar. « Et si je l'obtiens, je le garde !»« Seigneur, quand je pense que j'ai gâté ce vieux pêcheur avec des figues et d'autres choses du même genre, sans parler de l'eau-de-vie française qu'il buvait par litre. « Vous n'avez rien à faire ici. »« Pas plus que vous. » s'emporta l'épicier irrité. « Si je n'ai rien à y faire, vous non plus. » Car jusqu'à ce que la maison soit louée, elle est propriété publique. Je suppose que vous êtes venu ici avec cette Jézabel pour chercher l'argent. » Agar, s'entendant traiter de tous les noms, s'avança promptement vers M. Treadle et lui boxa ses oreilles rouges. « Maintenant, » dit-elle, lorsque l'épicier recula, concerné par cet assaut, « peut-être serez-vous plus courtois. Monsieur Lorne, asseyez-vous sur ce siège et je vais vous expliquer l'énigme. » « Le Dante, » s'écria M. Treadle, en reconnaissant le livre posé sur les genoux de Agar. « Elle m'expliquera l'énigme, me dépouillant de l'argent qui me revient de droit. L'argent appartient à M. Lorne, en tant qu'héritier de son oncle, » dit Agar avec colère. « Taisez-vous, monsieur, ou vous aurez un autre coup sur les oreilles. »« Ne vous occupez pas de lui, » dit Eustache avec impatience. « Dites-moi l'énigme. » « Je ne sais pas si j'ai deviné correctement, » répondit Agar en ouvrant le livre. Mais j'ai essayé par ligne, par page et par nombre, et tout cela n'a rien donné. Maintenant j'essaye avec les lettres, et vous verrez si le mot qu'elle forme est un vrai mot italien. » Elle lut la ligne marquée et la date « Ficarlo viso per la luce eterna, 27 décembre 38 ». Maintenant, dit Agar lentement, si l'on additionne tous les chiffres, on obtient 271-238. « Oui, oui, » dit Eustache avec impatience, « je vois, continuez, je vous prie. » Agar poursuivit. Prenons la deuxième lettre du mot ficar, I, puis la septième lettre à partir du début de la ligne. Eustache compta. L, je vois, poursuivit-il avec impatience. La première lettre aussi, F, la deuxième encore, I, la troisième et la huitième, C et O. Bien, dit Agar en les notant. Maintenant l'ensemble forme le mot il fico. Est-ce un mot italien? Je n'en suis pas sûr, dit Eustache pensif. « Il fico, non. » « Cela montre à quel point il est instruit, » grogna M. Treadle, qui s'appuyait sur sa bêche. Eustache leva les yeux pour jeter un regard féroce sur l'épicier, et ce faisant, sa vision se porta sur l'arbre qui se profilait derrière l'homme. Aussitôt le sens du mot s'imposa à son esprit. « Il fico, » s'écria-t-il en se levant. « Deux mots au lieu d'un. Vous avez trouvé Agar. Cela signifie le figuier. Celui qui se trouve là-bas, je crois que l'argent est en terre dessous. » Avant qu'il ait pu avancer d'un pas, Treadle avait fait un bond en avant et tailla comme un fou dans l'herbe enchevêtrée autour du figuier. « S'il est là, il est à moi » s'écrie-t-il. « Ne t'approche pas de moi, John Lorne, ou je t'assomme avec ma bêche. J'ai nourri ton vieil oncle comme un coq de combat, et maintenant je vais voir son argent pour me rembourser. » Eustache bondit en avant comme l'avait fait Treadle et aurait arraché la bêche de sa prise si Agar n'avait posé une main sur son bras pour l'arrêter. « Qu'il creuse, » dit-elle froidement. « L'argent est à vous, je peux le prouver. Il aura le travail et vous la fortune. »« Agar, Agar, comment puis-je vous remercier ?» La jeune fille recula et ses joues rougirent. « Trouvez Goliath, » dit-elle, « et laissez-moi me débarrasser du mont-de-piété. » À ce moment, Treadle poussa un cri de joie et arracha des deux mains une boîte en fer-blanc de bonne taille du trou qu'il avait creusé. « À moi, à moi !» s'écria-t-il en la posant sur l'herbe. « Cela paiera les dîners que je lui ai donnés, les cadeaux que je lui ai faits. J'étais bon et généreux, et me voilà payé en retour. » Il se mit à forcer le couvercle de la boîte avec le bord de la bêche, tout en riant et en pleurant comme un démon. Lorne et Agar s'approchèrent, dans l'espoir de voir une pluie de pièces d'or tomber sur le sol lorsque le couvercle serait ouvert. Quand Treadle donna un dernier coup, le couvercle s'ouvrit, et il vit une boîte vide. « Pourquoi ? Pourquoi ?» balbutia Treadle stupéfait. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Eustache, tout aussi décontenancé, se pencha et regarda l'intérieur. Il n'y avait rien d'autre dans la boîte qu'un morceau de papier plié. Incapable de faire une remarque, il le tendit à Agar, stupéfaite. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» répéta Treadle. « Cela explique tout, » dit Agar, en parcourant le message du regard. « Il semble que ce riche oncle Ben était pauvre. »« Pauvre ?» s'écrièrent ensemble Eustache et Treadle. « Écoutez, » dit Agar. « Et lisant. Lorsque je revins en Angleterre, je passais pour riche, si bien que tous mes amis et mes relations me réclamèrent les miettes qui tombaient de la table d'un homme opulent. Mais j'avais juste assez d'argent pour louer le cottage pendant plusieurs années et pour acheter une rente à peine suffisante pour les nécessités de la vie. Mais en raison de l'annonce de ma richesse, le luxe m'a été fourni par ceux qui espéraient des legs. Voici l'héritage que je laisse à vous, ces paroles d'or. » dont j'ai prouvé la véracité, il vaut mieux être considéré comme riche que de l'être vraiment. » Le papier tomba des mains d'Eustache, et Treadle, avec un hurlement de rage, se jeta sur l'herbe, chargeant la mémoire du défunt de noms désobligeants. Voyant que tout était fini, que la fortune espérée s'était évanouie, Agar laissa les pieds déçus pleurer de rage devant la boîte de fer blanc et entraîna Eustache. Il la suivit comme dans un rêve, et tout au long de leur triste voyage de retour vers la ville, il ne prononça pas un mot. Ce qu'ils dirent, comment Eustache déplora son sort et comment Agar le réconforta, n'est pas pertinent. Mais en arrivant à la porte du Mont de Piété, Agar donna l'exemplaire de Dante au jeune homme. « Je vous le rends, » dit-elle en lui serrant la main. « Vendez-le, et avec le produit de la vente, bâtissez votre propre fortune. »« Mais ne vous reverrai-je pas ?» demanda-t-il piteux. « Oui, monsieur Lord, vous me verrez quand vous ramènerez Goliath. » Puis elle entra dans la boutique du prêteur sur gage et ferma la porte. Restée seule dans la rue déserte, Eustache soupira et s'éloigna lentement. Serrant contre sa poitrine le dent florentin, il s'en alla faire fortune, retrouver Goliath, et bien qu'il ne le sût pas à l'époque, épouser Agar. Ainsi s'achève le tome premier de Agar Stanley, détective tzigane, par Fergus Hume.